Chapitre 4e. Depuis ce matin, la cuisine empeste le roquefort suite à la visite des Michauds. Je sens que nous allons prendre quelques kilos si nous continuons à baffrer comme nous le faisons. Sans compter les apéros du matin et du soir. Quant à Gigi, c'est pire encore car elle s'est arrêtée de fumer pour Lisa. Heureusement que les 2 ou 3 kilos qu'elle a pris se sont logés à des endroits intéressants. Les gendarmes ont reçu un témoignage qui nous met sur une nouvelle piste, mais bien loin, malheureusement. Un maçon se souvient d'avoir chargé le jour du meurtre une femme qui peinait à vélo dans la côte de Montardier. Elle a chargé son vélo à l'arrière de la camionnette et s'est assise à côté pour empêcher la bécane de brinque-baller dans la benne. De toute façon, à côté du chauffeur, la place était encombrée par tout un moulon d'outils. Arrivé dans Montardier, sur le coup de 3 heures de l'après-midi, le maçon a stoppé son camion et la femme est partie avant qu'il soit descendu de la cabine, occupé qu'il était à réunir les devis qu'il avait amenés. À part le fait que ce soit une femme, il est incapable de la décrire de façon précise. Elle portait une tenue de jogging bleu pâle, c'est tout ce qu'il peut dire. Il n'est pas certain que cela puisse avoir un rapport avec le crime et les gendarmes non plus d'ailleurs. J'ai aussitôt missionné Gigi pour savoir si Maud avait un vélo. Elle n'en possède pas, mais peut en disposer d'un quand elle le veut. Quant à Louis, sa réaction est immédiate et brutale. Si tu crois que je vais me mettre à enquêter sur toutes les nénettes qui étaient susceptibles de faire du vélo ce jour-là, tu galèges. C'est peut-être une touriste et qui vient de Marseille en plus. Qui le sait ? Ça y est, tu commences à me gonfler sévère avec tes hypothèses fumeuses. Et la cagée en doum, tiens ! Et je repars furieux, Serge est à moitié mort de rire. En remontant à Molière, nous passons devant le centre de Postcure, et quelle n'est pas notre surprise d'y voir une bagnole garée immatriculée dans les Bouches-du-Rhône. Serge relève le numéro, ça peut servir. Hors de question en ce moment de demander quoi que ce soit à lui. Il faut attendre qu'il se calme un peu. Un peu plus loin, en passant devant un gîte, nous remarquons une autre voiture immatriculée 13. Un homme d'une 60aine d'années s'affaire à l'arrière de la voiture, visiblement en train de décharger les courses. « Arrête !» me fait Serge. « Laisse-moi faire !» Il s'approche de la voiture et apostrophe l'homme. « Vous êtes de Marseille ?»« Oui, pourquoi ?»« Je cherche M. Volpi. C'est un ami qui vient de Marseille et qui passe ses vacances dans la région. On m'a dit qu'il habitait dans le coin. Peut-être que vous le connaissez ?»« Volpi ? Non, ça ne me dit rien. » »« Vous devriez demander à la patronne des gîtes. C'est la grande maison juste au-dessus. Elle connaît peut-être. » De nouveau dans la voiture, Serge m'interroge. « On y va, Gino ?»« Pourquoi pas, on a que ça à foutre. » Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. La propriétaire, avenante, a l'air d'être en mal de conversation. C'est bon signe. On va taper la causette, on ne sait jamais. « Volpi ? Non, je connais pas. Vous savez, les Marseillais qui viennent ici, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout des Montpelliérains qu'on a. Je connais quelqu'un dont la cousine vient de Marseille. » Elle est actuellement cure à l'Espérance. Mais demandez aux gendarmes, ils savent peut-être. Oui, c'est une bonne idée. Il habite où, ce quelqu'un qui a une cousine qui vient de Marseille? Quelqu'une, vous voulez dire? C'est Sarah Lanoux, elle habite sur le quai. Mais dites, qu'est-ce qu'il a fait ce Volpi? Vous êtes de la police? Il est recherché? Ouh là là, ça commence à sentir mauvais. Il me faut prendre la tangente et fissa. Non, c'est un ami. Il m'a dit, si tu passes au Vigan, viens me voir. Mais je m'aperçois que c'est plus grand que je croyais. C'est tantôt il ne m'a pas donné son adresse. Eh ben, bon courage. Donc, la bagnole garée devant l'Espérance devrait appartenir à la cousine de cette Sarah Lanoux. Et cette cousine, est-ce qu'elle nous connaît? Voilà du grain à moudre pour meubler nos après-midi. Serge et moi. Tu te rends compte ce qu'on est en train de faire? Me dit Serge. Oh, c'est marrant. On joue à Starsky et Hutch. Dommage qu'on n'ait pas leur bagnole. Arrête, va. Nous on s'amuse, mais lui quand même une morte. Et alors Fada, c'est pas de rester sérieux qui va la ressusciter, non? Pour nous racheter, nous consacrons notre après-midi à nos familles, cueillies de genièvre, de thym, et on termine par une pêche à la truite, d'élevage bien sûr, car la patience, ce n'est pas notre fort, et ça fait tellement plaisir à Ludo de sortir en poisson toutes les 2 minutes. Au retour, nos femmes nous entraînent dans une fabrique de sous-vêtements où, comme d'hab, nous nous faisons remarquer. En arrivant à la maison, notre attention est attirée par un bout de papier punaisé sur la porte d'entrée. Sylvia le déplie et soudain s'écrie. « Ça y est, ça recommence. Regardez » dit-elle en nous tendant le papier. Serge et moi avons tout de suite compris de quoi il pouvait s'agir. Nous prenons ensemble connaissance du billet. Cher commissaire, vous vous fourvoyez. Vous êtes dans le pâté, comme on dit. Mais vous allez y être pour de bon. À bientôt, sur les routes de la région. Nous chanterons de vieux airs de la Légion, signé un cobra en dessin. Alors, nous font les femmes. Je leur tends le papier, sachant pertinemment qu'il n'aura pas d'empreinte, à part les nôtres. Tout d'abord, aucun de nous n'a de réaction, tant le texte est énigmatique. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus question de reconnaître une quelconque écriture, l'ensemble étant tapé en majuscules, vraisemblablement sur une vieille machine à écrire. Toutefois, ce billet est signé du cobra. Une fois que chacun des adultes l'a lu, nous nous perdons en conjectures, hypothèses, remarques, constatations et tout le bazar. Le fait qu'il ait mis le pâté entre guillemets prouve qu'il sait que c'est une expression qu'on emploie à l'heure actuelle, mais que lui n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser. Peut-être parce qu'il a un certain âge ou une certaine éducation. En d'autres termes, je fais, ça signifie qu'on pédale dans la semoule, mais que bientôt on va être dans la merde. Comme c'est imagé, ironise Paula. Oui, mais pourquoi dit-il que c'est nous qui nous fourvoyons? Ce devrait être Fréjol, ce n'est pas nous qui menons l'enquête après tout. Mais vous vous en occupez, et qu'est-ce qui peut lui faire dire que vous êtes à côté de la plaque? Vous avez une piste, vous avez émis des hypothèses? Demanda Sylvia. Serait-ce ça? À part Fréjol, on n'en a parlé à personne. Sur ces entrefaites, Fréjol justement se pointe parmi nous. Paula lui a fait une grosse impression et je crois qu'il en pince pour elle. L'autre soir, ils sont rentrés très tard et je crois que ce n'est pas par discrétion qu'ils n'ont pas osé passer la nuit ensemble. Il fait la bise aux trois femmes et je remarque au passage qu'il glisse à Paula un regard soutenu où se lie une certaine complicité. « Regarde, Louis, lui dis-je en tendant la lettre. Oh, ma carrelle !» Il se laisse tomber sur une déchette de fer et scrute la lettre. « Cette fois, fait-il, il n'y a pas de rendez-vous. Les chemins de la région, c'est vaste. Il faut essayer de faire parler ce billet. » En tire le maximum d'infos. Nous le mettons rapidement au courant de nos premières conclusions. Mais ça ne nous dit pas où frapper l'assassin, ni quand. Il faut décoder le message. Il n'y a que ça d'important, s'exclame Louis. Et qu'est-ce que vient foutre la Légion là-dedans, s'exclame Gigi. Moi, le seul air de la Légion que je connaisse, c'est « Tiens, voilà du boudin !» Pour les Alsaciens, les Belges et les Lorrains. Le boudin, le pâté, pétard, c'est de la charcuterie tout ça. Louis, cherche dans la charcuterie, fan de pétan. Louis baisse la tête. Il réfléchit à 100 à l'heure, car bien entendu, nous allons maintenant jouer la montre. Nous parvenons rapidement à la conclusion que le billet nous annonce un autre meurtre qui va toucher quelqu'un, certainement une femme qui a un rapport avec la charcuterie, une femme volage peut-être, comme la première. Peut-être la femme de Norbert dont les appâts font partie de la vitrine de son camion. Le mardi, je crois qu'elle fait la tournée au nord du Vigan. Il faut bouléguer, on arrivera peut-être à temps. Tu parles, il est 7 heures du soir. Normalement, elle est rentrée. Alors c'est quelqu'un d'autre qui est visé. Soudain, le téléphone sonne dans le break bleu marine de Louis qui se précipite pour décrocher. Nous l'observons à travers le pare-brise. Pour l'instant, il a l'air d'écouter avec attention. Puis, visiblement, il donne des ordres brefs et vient nous rejoindre avec une mine de 2 pans de long. C'était la brigade. Pomard le boucher venu signaler que sa femme n'est pas revenue de sa tournée. C'est la première fois que ça lui arrive. Vous avez les cartes du coin ? Aussitôt, nous nous grouillons pour lui fournir toutes celles dont nous disposons. À la lueur du ciel encore clair, il déplie les cartes et nous expose ce qu'il attend de nous. Aujourd'hui, elle fait habituellement le circuit Rochebel, Cavaillac, Molière, Bréau, Mars, Serre et Aulas. Au fur et à mesure de l'itinéraire, Louis nous a montré les localités sur les cartes. Mes hommes sont déjà partis en reconnaissance ici et là. Moi, je vais aller sur cette route. Toi, Gino, tu vas aller sur la route de Bréau et toi, Serge, sur Aulas. Le premier qui trouve quelque chose rejoint la gendarmerie pour faire un appel radio. De toute façon, il est 7h30 maintenant. Rendez-vous à 10h du soir à la gendarmerie, si personne n'a rien trouvé, ok? Vous devriez prendre des lampes de poche, la nuit va tomber, fait Paula, toujours aussi perspicace. Moi, je reste pour garder les gosses. Louis se lâche, la serre dans ses bras, geste dont nous sommes tous émus vu les circonstances. Chacun de nous redoute découvrir ce que nous avons déjà vu sur le plateau. Je revois la tête de Colette, je sors dans ma bouche le goût de sang que je redoute tant. Inconsciemment, je prie pour que nous ne découvrions pas un nouveau cadavre. On vient avec vous, fait Gigi. Je commence à avoir la haine pour cet enfoiré de serpent. Chacun grimpe avec son homme et nous voilà partis, espérant malgré tout que nous ne trouverons rien et qu'un être restera en vie. Lorsque nous parvenons au bout du chemin, une immense lueur nous éblouit, suivie par un gigantesque craquement accompagné d'une énorme détonation. Aussitôt, des gouttes roses comme des crachats s'écrasent sur le pare-brise et tambourinent sur la capote de la Mehari. Merde ! Il ne nous manquait plus que ça ! Sur la route qui grimpe en serpentant vers Bréau, les essuie-glaces ainsi que les phares ne remplissent que modestement leur rôle. La route scintille, on n'y voit que dalle à travers les vitres en redoïdes des portières. C'est déjà un miracle si on ne se fout pas en l'air. Je conduis à 30 à l'heure et les yeux nous font mal à force de scruter l'obscurité pleine de reflets et de feuilles tourbillonnantes. Parvenu à un coude de la route à l'endroit dit Les Plans, je manque en plafonner un deux roues sans éclairage que j'avais pris au départ pour un sanglier. À l'arrivée dans le village de Bréau, mes phares éclairent sur la droite l'entrée en pierre d'une maison aux volets fermés. Le chemin d'accès à la baraque monte en faisant un coude. Un fourgon est engagé dans ce chemin. Son arrière dépasse légèrement sur la chaussée. « Ça ne serait pas ça, des fois ?» me fait Gigi, anxieuse, en désignant le fourgon. « Je sais pas, je vais aller voir. » Je déplace la Mehari de façon à ce qu'elle éclaire un peu le côté du fourgon. J'y distingue les lettres E-R-I-E et elles suffisent à me glacer le sang. Gigi a vu aussi, malheureusement. « Oh, fan, fais gaffe, Gino !» Je descends en m'éclairant de la torche, trempée comme une soupe en moins de deux. C'est bien le camion de Denise. J'entre par la porte ouverte du conducteur. À l'arrière, au milieu des terrines renversées de quelques saucissons, gît sur le dos la dépouille de Denise, la tête dans une mare de sang. La blouse est relevée haut sur les cuisses, laissant entrevoir son monde Vénus rebondi sans culotte. Par terre, traîne une feuille de boucher servant à trancher les os, peut-être tombée de l'étal. Le table donne dans le surnaturel, le factice presque, tant ses cuisses, au milieu des jambons et des saucissons, confèrent un réel caractère porcin à l'ensemble, c'est affreux, bestial et pitoyable, la pauvre femme. Avant de retourner auprès de Gilda, je remarque que la flaque de sang est prolongée d'un réseau d'écoulement, à droite et à gauche du camion, formant comme une toile d'araignée. Le sang a dû glisser d'un côté et de l'autre au hasard des virages. Denise n'a vraisemblablement pas été tuée dans cette entrée, mais son corps a dû parcourir quelques kilomètres au milieu des jambons avant que le fourgon ne soit garé ici. Sur une des cuisses, je distingue un dessin. En l'éclairant suffisamment, je déchiffre le mot « souillon ». Le S est bien entendu le cobra tamponné, trempé dans le sang de la victime. « Le salaud, le fumier !» Je fais un bond terrible, surpris par ce cri. Gigi était derrière moi et a tout vu. « Allez, viens, lui dis-je, sortons de là, il n'y a plus rien à faire pour elle, peu cher. » Nous nous laissons tomber sur les sièges de la Mehari, histoire de reprendre un peu nos esprits. Apparemment, le sentiment qui anime Gigi n'est pas la peur ou le dégoût, mais bien la colère, une colère monumentale. Elle fulmine, toute rouge, malgré les larmes qui inondent ses joues. « Calme-toi, ma puce, il faut que tu bouges, que tu fasses quelque chose. Tu vas prendre la voiture et aller prévenir la gendarmerie, comme convenu. » Tu vas conduire prudemment, sans aller vite, ça ne sert plus à rien maintenant. Ça va aller ? Ne me fais pas faire de soucis inutilement. Et toi ? Moi, je vais rester ici à l'abri en attendant l'équipe, au cas où des curieux se pointeraient. Ne t'inquiète pas. Sous le couvert précaire des châtaigniers, je réfléchis à la situation. C'est tellement grave que ça en est presque comique. Moi, en train de me tremper comme une soupe, et cette femme qui gît, la tête éclatée dans ce fourgon, comme dans les plus mauvais films gore. À chaque cadavre, comme dans mes précédentes affaires, j'éprouve la pertinence de cet oxymore, la vie, c'est la mort. Cette femme, qui était souriante, désirable, avenante, amoureuse, chaude et humide, n'est plus qu'un tas de chair privé de fonction au milieu d'un camion de barbac. Comme d'habitude, je ressens le caractère fugace de la plupart des actes de notre vie et l'inanité de beaucoup de situations. Et pourtant, pour faire de grandes choses, il en faut des petites. Et pour le bien, il faut nécessairement un peu de mal. C'est ce savant mélange, ou ce doux bordel, pensons certains, qui constitue nos vies. Dans le fond, le meurtrier doit se prendre un peu pour Dieu. Lui donne la vie, pour les croyants, et l'assassin la reprend. Il est sur un pied d'égalité avec le Créateur, et c'est ce qui doit le faire jouir et le magnifier. J'ai tué une fois un homme de sang-froid, et je n'ai éprouvé que le remords d'avoir cassé une machine complexe qui ne fonctionnerait plus jamais. Le caractère d'irréversibilité de tout ceci me donne le vertige.